La bande, la bande.

Sous Arc-en-ciel, un amour de FM. temps supplie. Je t'en supplie. Sans toi, ce bruit de ma vie. Brise de ma vie. Car si ça s'achève la cadence. Brise la cadence. Alors je n'aurai plus de chance. Non, plus de chance. Ouais, mais si tu es là, c'est du seul amour. Faire ce que tu es. J'irai twister le blues. Le blues, c'est puis le blues. En serrant dans mes bras. Viens nous te fier de toi. Something else. Avec France Gall, le titre s'appelle Des branches et suivi de Johnny Hallyday. musique que j'aime, elle vient de là, elle oublie. Elles ne sont jamais les mêmes. Tu sais, pour exprimer ce qu'est le blues. Ah, moi j'y vais mes joies, j'y vais mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur les guitares, les manoirs lui donnaient le jour. Pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Ouais, la musique que vivra, tant que le vivra. Le plus, le plus, ça veut dire que je t'aime. Mes joies, moi j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Et il y a la tâche sur les guitares. Les mains noires lui donnaient le jour. Pour chanter les peines et les espoirs. Pour chanter Dieu et puis l'amour. Merci de rester fidèle à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc qui vient Pierre Perret avec Mélangez-vous et puis suivi le groupe Alphaville. peine te grince quand l'étranger alentour de ta maison passe. Noir, blanc, juif ou berbère, laisse ton cœur désigner celui qu'il préfère. Toutes les peaux finiront par se ressembler. Mélangez-vous, mélangez-vous. Un jour les hommes sauront même plus sur qui taper. Femmes pleines de grâce, ouvrez vos bras aux hommes qu'on dit d'une autre race. Femmes, changez la donne. Quand tu auras plus qu'une seule couleur, ce sera la bonne. Comme dans un mot d'amour, les lettres de l'alphabet. Mélangez-vous, mélangez-vous. Pour une couleur qui envoie plus personne au gibet. Femme pleine de grâce, à qui la liberté n'accorde aucune place. Va vers celui qui t'aime, même si sur toi les tiens ont jeté l'anathème. Peut-être qu'un jour il y aura partout la même couleur. Mélangez-vous, mélangez-vous. On ne saura plus qui sont les nôtres, qui sont les leurs. Femmes, soyez fécondes et parlez sans mêler que vos tailles soient rondes. Vos fils seront tous frères. Contre personne, ils ne partiront. Ça te lasse trop de chagrin. Femme pleine de grâce, quand l'étranger alentour de ta maison passe. Noir, blanc, juif ou berbère, laisse ton cœur désigner celui qui préfère. Mélangez-vous, mélangez-vous. We'll be right back. Thank you. Genghis Khan. juste un instant, vous avez pu entendre tout simplement, eh bien, Liane Folly, être vrai, et voici Ringo, comme hier. C'est très beau, ah, je dois beau, dire. Hein, très bravo beau. Aux oiseaux de Thaïlande et bravo à Ringo, en tout cas. On échange, j'espère qu'on écoute votre nouvelle chanson. C'est d'accord. Comme si c'était fait. Il y aura toujours un rendez-vous, un combat oublié, toujours un rêve à faire. Il y aura toujours un rendez-vous, un signal à donner à nos amis, nos frères. Une note envolée aux quatre coins du monde, une goutte d'espoir qui inonde. Il y aura toujours un rendez-vous, un sourire à laisser à nos enfants demain. Et ça ira. S'appelle L'amour peut prendre froid. Voici donc Céline Dion. Jamais je prends le... Ouvre-moi la porte, l'amour peut prendre froid. Si tu fais marche arrière, si tu regrettes tous ces noms, car au creux de l'hiver, l'amour peut prendre froid. Si tu veux bien. Petit confort, on changera de port. L'amour peut prendre froid. Si on roule vers le nord, on laissera nord.

avec toujours ce que j'aime de toi.

peux t'inviter sans raison. Sois à l'aise comme dans ton salon. Viens meubler ta tristesse, viens. On se la joue, on se pavane. On se prend pour les lions de la savane. On est le roi de la Havane. Havana, oh nana. Ton histoire d'amour bat de l'air. Dans ton café t'as mis du sel. T'es trop petit pour toucher le ciel. Parce qu'on grandira demain. Tant pis si on tombe dans. Presque plus rien à boire. Mais on est là. Le bar va fermer, tout est noir. Mais on est là. On continue sur le trottoir. Mais on est là. Hey. On est là. Mmh. On est là. On va encore rentrer trop tard. Mais on est là. Je crois que j'ai un œil au beurre noir. Mais on est là. J'ai encore cassé ma guitare. Je m'appelle Jimi Hendrix ce soir. Voilà, donc on va faire un petit tour du côté de l'Afrique avec tout simplement, elle s'appelle Papa Wanda. Voici donc un petit bonjour aussi à Patricia et à Paul. Voici donc la chanson. Ya yo bolingo kaka soko moninga Simananga obaluke Et ça n'a rien coûté, ça n'a rien bien Mon pépé yango na zela kye Loka moto wako kani nangai Oyo na kute ya kono ngai te Yemele yango ne ya basi ye Oyo na moni na yo yete ho Sermato patana kina miswa ganingai Yoma toa libo so baby si ye Ko pesa nonga kutu fotete, beba ezali ya yomo koe. Nuka muto wako kani nangai, oyo nakute ya kono mzaite. Emele yongo meya basie, oyo na mone na yoyete. Papa, Toutes ces années de toi et moi, je n'y crois toujours pas. Dis-moi pourquoi avoir laissé l'amour prendre notre route. Mais quelle est la raison qui t'a poussé jusque dans ses bras? Explique-toi, éclaire-moi. Je donne un sens à tout ça. On a diminué, c'est ça, on va pas le bas. Moto kobo mayo ya wanana yo e Motinde lopeli yo koni nango Na kobo mate tamu isinga e Luka moto e kofayi nanga e Oyo na moni ya pananga ite Ebele yango ya mibali e Oyo na kuki na yo yete o Pardon de musique avec tout simplement avec Baltimora, Tomboy, et puis juste après Boris, sorry, Disco. C'est chez lui. Il a éteint toute lumière. Il a son petit pantalon à flat def rouge, pompe blanche. Ce soir, attention, Boris danse. Ce soir, Boris, événement, c'est soir disco. Boris, on peut l'appeler ce soir, il s'en fout. Il a débranché le téléphone. Ce soir, chez Boris, c'est. Ambiance de délire, à son paroxysme. via Mega Groove. Crazy. un amour de la femme. Exprès quand il a dit ça, mais en fait il pensait plus la drôle de façon dont il m'a regardé. J'pense. Mais tu penses pas que c'est parce qu'il était timide ou qu'il était gêné. Mais n'empêche que quand il est parti, il a dit qu'il m'appellerait. Moi, à mon avis, chercher une excuse et c'est celle-là qu'il a trouvé. Mais en même temps, s'il disait ça juste comme ça, je crois qu'elle s'appelait Delphine, je sais que ça fait un moment qu'ils se sont pas vus. J'pars. Mais tu penses pas que s'ils étaient encore ensemble, ils diraient pas ça. Mais n'empêche que quand t'as une copine, tu l'emmènes avec toi. Moi, à mon avis, c'est vraiment fini entre eux. Maintenant, reste à voir si vraiment il m'appellera. Mais bon, faut pas trop qu'il le sache. Lui, à tous les coups, je me connais, je vais me rater, bafouiller, il va me prendre pour une tâche. J'pars. Mais tu penses pas que si vraiment je lui plais, il a qu'à m'appeler. Mais n'empêche que si je lui fais de l'effet aussi, faut que je me méfie. Moi, à mon avis, tu te prends trop de chouché. Voici donc, vous avez entendu tout simplement un mix avec des chansons, tout simplement. Et voici donc Pomme avec même Rob Kier. J'ai jamais connu plus convaincant tu dis quand tu parles à mon âme. C'est mon corps qui te répond. Encore du charme, encore le charme. On chante, on chante, chaque phrase, c'est un canon. Et puis donc, juste après, on écoutera Queen. C'est tout, des rires en bas, des gens dehors, ça dure, j'adore, c'était facile d'être nous. Des étages à monter lentement et s'embrasser avant l'heure, puis atteindre ton appartement au petit matin de lueur.

that's divine. Thank you. Voici donc qui s'appelle Dick Rivers avec son titre Nice, baie des anges, et juste après Prince. Les mots d'amour en anglais, les lollipops en français, comme j'avais 18 ans. Oh, j'étais un blouson noir. keep busting. An enema. arc-en-ciel, un amour de FM. Le roi est un valet de cœur, là où je t'aime.

votre radio, Radio Arc-en-Ciel. Que je ris et que j'existe sans lui comme avant. C'est aux autres toujours que ça arrive. Voilà la différence est là. Voyez, je suis là et je chante. Ma voix est la même et je n'ai pas changé mes chansons. Tout va bien, ce sont mes larmes qui mentent. C'est ça, la différence est là. Il faudra longtemps, mais que passe le temps pour effacer un peu son souvenir. Il faudra longtemps, mais vous n'y croyez pas. Voilà, la différence est là. Pour vous, ça n'a pas d'importance. Ce n'est qu'une histoire, la fin d'un amour, et voilà. Oui, mais moi je meurs de son absence. Et voilà, la différence est là. Il faudra longtemps, et que passe le temps pour effacer cet amour. Il faudra longtemps, vous ne le savez pas. Voilà, la différence est là. Il faudra longtemps, mais vous n'y croyez pas. Pourtant, la différence est là. Donc après Sylvie Vartan, voici donc Jodassin avec Dans les yeux d'Émilie. Et après, c'est une autre chanson d'une fille, une chanteuse avec Alice Donna. Dans son quartier du vieux Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent. Voisine avec les maisons grises du vieux temps. Mais l'hiver vient d'éclater, le Saint-Laurent est prisonnier. Un décembre qui va bien durer 6 mois. Quand les jours ressemblent aux nuits, sans éclaircie à espérer, qui peut croire que l'été du vieux Québec, quand les toits deviennent verts, quand les enfants ont les pieds secs, on tourne le dos à l'hiver. C'est la fête du printemps, le grand retour du Saint-Laurent.

Juste après David Hasselhoff, voici donc Lily Harmony. Son titre s'appelle Warner. Johnny Belayo, devient fou face à Caro. Johnny Belayo, craqué dans le maillot. Johnny Delayo, devient fou face à Caro. Johnny Delayo, craqué dans son maillot. Johnny Delayo, devient fou face à Caro. Johnny Delayo, craqué dans son maillot. Un amour de la femme. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00.